Isanganiro. Vous écoutez la radio Isanganiro, c'est le moment de suivre les informations de cette mi-journée avec ses grandes articulations. 15 septembre de chaque année, c'est la journée dédiée à la démocratie. Au sein du Sawanya Fodebou, ils indiquent que la démocratie a fait un pas en arrière. Cela s'illustre par le manque de la liberté d'opinion. Et la PASEM ajoute que le seul respect de l'accord d'Arusha viendra asseoir une vraie démocratie. La porte-parole du parquet général de la République informe que les locaux du bureau du haut-commissaire des Nations Unies au Burundi ont été attaqués par 6 individus non identifiés dans la nuit de mardi. La communicatrice de cette institution ajoute que personne ne doit être pointé du doigt sans que les enquêtes n'aboutissent. La présidente de la commission en charge de la préparation du test d'admission pour les écoles d'excellence fit savoir que la note moyenne pour entrer dans les écoles est en lien avec que les élèves ont été retenus par quotas provinciaux et non pas par la note moyenne, vous l'entendrez dans ce journal. C'est vendredi, vous aurez droit à la chronique environnement qui va nous parler de l'exploitation anarchique des rivières qui se déversent dans le lac Tanganyika. La mise en onde est assurée par Jean de Dieu Ndeisenga à la présentation Alida Ndaikeza. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Le parquet général de la République informe l'opinion que 6 personnes non identifiées, dont un portant à fusil de type Kalachnikov, s'est introduit dans les locaux du bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi à l'aide de fausses clés. Dans un communiqué de ce jeudi, la porte-parole de cette institution fit savoir que les malfaiteurs n'ont rien emporté ni causé de dégâts. Agnès Bangiri-Chenge dit que le procureur général de la République demande au public de se garder de tirer des conclusions hâtives avant l'aboutissement des enquêtes et 2 personnes sont déjà arrêtées. On l'écoute. Un groupe de 6 personnes non identifiées, dont une portée en fusil Kalachnikov, s'est introduit à l'aide de fausses clés dans le locaux du bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi. Avant de s'introduire dans ces locaux, ils ont d'abord immobilisé les vigiles qui gardaient les locaux. Le lendemain matin, les responsables de ce bureau ont informé le point focal du système des Nations Unies au Burundi, qui se trouve être le commissaire général de la police judiciaire, et celui-ci s'est transporté sur les lieux en compagnie d'un officier de police judiciaire et ils ont aussitôt commencé des investigations sur ces faits. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que ces malfaiteurs ont utilisé des clés qu'ils avaient amenées eux-mêmes et que la loi qualifie de fausses. Bien qu'ils se soient introduits dans les bureaux, ils n'ont rien fait et ils n'ont rien emporté. Ils n'ont même pas causé de dégâts ni matériels ni humains. Le procureur général de la République demande au public de se garder, de tirer des conclusions hâtives sur les auteurs de cet acte ainsi que leur motivation avant l'aboutissement de l'enquête qui est en cours et annonce que dans ce cadre, 2 personnes qui gardaient ce bureau ont été arrêtées. Il tient également à signaler que quand le porte-parole de la police nationale a réagi à cette information qui était en train d'être diffusée sur les médias, la police judiciaire n'avait pas encore été saisie. Le procureur général de la République profite de cette occasion pour inviter toute personne qui détiendrait une information sur cet acte à se confier au commissaire général de la police judiciaire. Le communiqué du parquet général de la République parle également de l'enlèvement de Léopold Habarugira. Les services de sécurité ne sont pas les auteurs de cet enlèvement. D'après ce qui a été dit par ailleurs, il n'était pas recherché par la justice, a déclaré Agnès Bangiri-Chenge. On l'écoute encore une fois. Un groupe d'hommes armés à bord d'un véhicule à l'immatriculation et à la marque jusqu'ici inconnue a enlevé un homme répondant au nom de Habarugira de Port et l'ont amené dans une destination inconnue. Les faits se sont déroulés au niveau d'un petit marché situé dans la zone Egihosha au moment où la victime était en train de faire de la marche en compagnie de son épouse. Après le dit enlèvement, l'épouse de la victime a informé quelques connaissances de ce qui venait de se passer et ces derniers en ont informé la police qui a aussitôt commencé les enquêtes. L'épouse de la victime a relaté le déroulement des faits à la police judiciaire tout en lui fournissant d'autres informations que la police est en train d'exploiter afin d'identifier les ravisseurs et les arrêter pour être jugés. Le procureur général de la République profite de l'occasion pour démentir les rumeurs qui sont propagées selon lesquelles les auteurs de cet enlèvement seraient les services de sécurité, tout en rappelant que ces services n'enlèvent pas mais peuvent procéder à des arrestations le cas échéant. Or, les services ayant la compétence d'arrêter les criminels ont été contactés et ont laissé entendre qu'aucun parmi eux n'a procédé à l'arrestation de Leopold Habarugira, qui, par ailleurs, n'était pas recherché par la justice. Le procureur général de la République demande à toute personne qui détiendrait une information relative à cet enlèvement de pouvoir la confier à la police judiciaire pour que ces ravisseurs soient arrêtés et jugés. Nous demandons à toute personne qui assiste à une arrestation suspecte opérée par des personnes incompétentes de le signaler à la police ou auprès de l'administration locale. C'était Agnès Vangirichenge, porte-parole du parquet général de la République du Burundi. Parlons éducation à présent. Les élèves des 6e année qui ont passé le concours d'admission aux écoles d'excellence ont été retenus selon les quotas provinciaux des régions où sont situées ces écoles et non pas une note moyenne. Ce sont des explications du président de la commission qui était chargé de préparer le dit concours après les lamentations des parents sur le non-affichage de toutes les listes des résultats. Je vite Genda Kumana dit que les listes publiées sont celles des premiers élèves selon ces quotas et précise que les élèves ou les parents qui le désirent peuvent se confier à la commission pour la vérification des résultats avant qu'ils soient affichés. Suivez-le au téléphone avec Placide Niomongere. Tout a été bousculé par le temps parce qu'on est arrivé à un moment où nous étions obligés d'afficher les résultats de ce qui était classé premier compte tenu des quotas provinciaux. À l'exemple, disons, dans la région ouest, il y a 4 provinces. Ubanza, Chibitoki, Bujumbura et la mairie. Dans cette région, il n'y a que la seule école, le lycée d'Ongagara, qui ne doit pas dépasser 60 places. Et les 60 places doivent être partagées équitablement par les 4 provinces, c'est-à-dire 15, 15, 15, 15. Ce qui a fait qu'on a affiché cela. Ça veut dire qu'un enfant d'une province X peut avoir la même note qu'un enfant de la province Y, mais être orienté ou échouer lamentablement. C'est même y avoir un enfant qui est moins que celui qui n'a pas été classe, parce qu'il est d'une autre province. On peut avoir en mairie, pour avoir les 15 places, on s'est limité à 94. Quelqu'un de la mairie qui a une 93, il n'a pas été classé. Pendant que dans la province de Bujumbura, par exemple, celui qui a 86 ou 90 qui est classé. L'inquiétude des parents peut exister là-bas. Pourquoi celui qui a 90 est classé pendant que celui qui a 93 n'a pas été classé? Compte tenu de ces quotas provinciaux, il ne fallait pas donner beaucoup de quotas à une province et peu de quotas à une autre province pendant qu'ils sont dans une même région. Est-ce que les parents peuvent accéder aux listes pour lever les inquiétudes? Pour un parent qui s'approche de Bujumbura, pas de problème, mais pour ceux de l'intérieur, on pourra voir comment les acheminer aux provinces et les constater au niveau des pays et voir celui qui a des doutes peut trouver ses résultats, mais les copies non. Isanganiro. Page politique à présent. Le 15 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la démocratie. Le parti Sawanya Frodebu nie la présence de l'État démocratique au Burundi. Léon Sengendakumana, vice-président de cette formation politique, explique que la liberté d'opinion est restreinte. Il demande qu'un état de droit soit instauré et que les droits humains soient promus. Suivez Léon Sengendakumana. Dans les pays qui se trouvent constamment en guerre, la démocratie est pratiquement impossible. Au Burundi, nous vivons exactement la même chose. Nous avons vécu pendant 30 ans dans un système à parti unique. La société civile ne fonctionnait pas. Les médias ne fonctionnaient pas. Et ce sont là les piliers de la démocratie au Burundi. Mais la liberté d'expression est garantie au Burundi. Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de démocratie? Je suis en train de vous donner l'interview dans mon bureau. Je pouvais le faire à l'extérieur de mon bureau. Ça serait très digne pour moi. Les autres, ils sont où? Ils sont à l'extérieur, ils parlent à partir de l'extérieur du pays. Ceux qui ne chantent pas le pouvoir. Ils parlent de l'extérieur du pays. Ils ont été chassés d'ici. Et aujourd'hui, on s'exprime à travers les réseaux sociaux. Maintenant, voilà où se trouve cette expression. Mais il n'y a pas de liberté d'expression au Burundi. C'est l'usage de la force. Un État démocratique est caractérisé d'abord par la liberté du citoyen. La deuxième chose, c'est de s'exprimer effectivement librement, sans contrainte. Et troisièmement, c'est le fait qu'un citoyen a la liberté de choisir ses dirigeants, ses représentants, librement en dehors de toute pression. Le parti CNDD-FDD au pouvoir a promis de s'exprimer sur ce sujet cet après-midi. Le président de la PARCEM indique que cette journée arrive au moment où certains piliers de la démocratie sont fragiles au Burundi. Fossandi Koumana approuve que seul le pas de la démocratie procéduraliste a déjà été franchi, mais que celui de la démocratie culturaliste laisse à désirer. Pour lui, l'application de l'accord d'Arusha permettrait d'asseoir une vraie démocratie. C'était ce vendredi lors d'une conférence de presse. On l'écoute. Nous jugeons que pour vraiment bien renforcer la démocratie, d'abord, il faut réaffirmer l'engagement sur l'accord d'Arusha et la Convention. Parce que l'accord d'Arusha a inauguré un nouvel ordre politique, économique, social. Même tout dialogue qui est annoncé, il faut qu'il aboutisse à un engagement ferme de la part de tous les acteurs politiques à respecter cet accord et partant même la Convention qui en découle. Deux, on doit rétablir les principes sacrés de la bonne gouvernance. Et les atouts sont là. Nous avons des atouts au niveau, par exemple, de la lutte contre la corruption. Il y a des documents de référence. Je dis que tout ce qui a été fait se limite à ce que j'appelle la démocratie procéduraliste, procédure démocratique. Les élections sont organisées, les partis, mais de la démocratie procéduraliste à la démocratie culturaliste, il reste encore un peu. Donc, le comportement, le changement de comportement par rapport à ce qu'exige la démocratie. C'était Faustin Dikoumana, président de la PARCEM. Un emprisonnement de 4 jours et une amende de 100 000 et la sanction qui sera donnée à chaque commerçant de Primus qui vendra la bouteille de Primus à plus de 1 800 francs burundais. Cela est contenu dans un communiqué sorti par l'administrateur de la commune Kabedi de la province de Bujumbura. À Kabedi, ce produit est vendu pour un prix qui oscille entre 1 800 et 2 000 francs burundais. Ndeishimiye Renilde, administrateur de Kabedi, rappelle que la hausse des prix des produits burundais n'est faite que par cette même entreprise. Isanganiro, la radio de l'avenir. La Régie des eaux vient d'annoncer officiellement la hausse des tarifs de l'électricité pour la catégorie des ménages. Les prix montent dans les proportions de 12%, tandis que pour la catégorie du petit commerce, la hausse est de 100%. A martelé Jerboam Nzikobanyanga, directeur général de la Régie des eaux, c'était ce vendredi. La nouvelle grille des prix du courant vous sera communiquée dans nos éditions ultérieures. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité comme le riz ou le haricot ont augmenté de 500 francs le kilo ces deux dernières semaines au marché central de Lumonge. Les consommateurs sont inquiets de leur avenir au moment où les commerçants évoquent la hausse des prix sur les lieux d'approvisionnement. Les précisions avec Jean-Pierre Misago. Le riz en provenance de la Tanzanie est passé de 2000 à 2400 voire 2500 francs burundais le kilo, tandis que celui produit au Burundi provenant de Rugombo ou de Gitega est passé de 1 800 à 1 900 francs burundais le kilo. Le haricot dit Mouchanganyiko est passé de 1 000 francs burundais le kilo à 1 100 francs burundais le kilo, alors que le kilo du haricot jaune est passé de 1 400 francs burundais à 1 800 francs burundais le kilo. Certains des détaillants de ces denrées alimentaires au marché central de Rumonge interrogés disent que sur leur point d'approvisionnement à Rugombo, Ngozi ou Gitega, les prix ont grimpé, même avant la pénurie de l'essence au Burundi, et peuvent même varier trois fois la journée. Par ailleurs, ces détaillants craignent la poursuite de cette montée des prix, se basant sur le fait que certains grossistes ont décidé ces derniers jours de garder fermé leur stock. De leur côté, les consommateurs, dont le pouvoir d'achat ne cesse de se détériorer, s'inquiètent du lendemain et demande au gouvernement burundais d'arrêter des mesures pérennes favorisant l'entrée des denrées alimentaires au Burundi. Jean-Pierre Misago de Firumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago pour cette correspondance. Des armes, munitions et autres effets militaires et policiers ont été découverts dans une cachette en province Bururi l'après-midi de ce jeudi. Une patrouille militaire a découvert 3 fusils de type Kalachnikov pliante, 3 grenades, 7 chargeurs garnis, 208 cartouches, une baïonnette et un pantalon militaire caché dans un boisement à la frontière des collines Mukike et Gakaranga. Un autre fusil de même type a été également découvert sur la colline Kiroba, en commune Matana. Ces précisions sont des sources administratives et policières dans cette province. Il est 13h12 à Bujumbura. Allons vers Bubanza, où les familles des Batois du site de Mubuga de la commune Rugazi de cette province ont refusé pour la deuxième fois ce jeudi l'exécution d'un procès à propos d'un conflit foncier qui les oppose à un certain Nzoba Mema Frédéric. Suite aux échauffourées, l'exécution n'a pas eu lieu et le président du tribunal de résidence de Rugazi indique qu'il va donner le rapport à ses supérieurs. Spes Caritas Kabanyana. Même si le juge du tribunal de résidence de Rugazi était accompagné par des policiers, ils n'ont pas pu accomplir leur tâche sur les battoirs des hommes, des femmes et des enfants du site de Mouga en commune Rugazi. Se sont opposés à ce travail selon les témoins sur place à Mubuga. Le travail a été interrompu juste après quelques minutes lorsque les juges avaient commencé à fixer des limites entre deux terrains en dehors du conflit, mais ils n'ont pas pu continuer lorsqu'ils sont arrivés sur un terrain en discorde entre les battoirs et la famille d'un certain Zala Mema Frédéric qui a gagné le procès. Ne voulant pas user de la force, les juges ont préféré vider les lieux. Rappelons qu'une situation pareille s'est produite également sur ce même terrain à la fin du mois d'août dernier. Ces battoirs indiquent que le procès n'a pas été équitable, qu'ils sont arrivés sur ce terrain en 1945, alors que celui qui a gagné le procès y est arrivé en 1955. Au tribunal de résidence de Rugazi, on indique qu'on va donner le rapport à l'aide supérieure pour qu'ils prennent une décision. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. Les rivières qui se déversent dans le lac Tanganyika sont menacées par les exploitants qui cherchent les matériaux de construction, le moelleau, le sable, le gravier, mais sans respecter les normes y appropriées. L'expert en environnement Albert Mbonelane indique que le pire s'observe pendant la saison sèche car les matériaux qui sont extraits ne sont pas remplacés. Extraire en soi n'est pas mauvais, dit-il, mais tout devrait respecter la loi en matière de l'environnement. Les précisions dans cette chronique environnement signée Léonce Vitaliho. L'expert en environnement, Albert Mbonelane, semble personnaliser le lac Tanganyika et les rivières qui s'y déversent pour parler conflit entre eux. Le Tanganyika accuse les rivières de ne pas respecter le code de l'eau et les rivières jettent la responsabilité aux humains. Les exploitants extraient les matériaux de construction même pendant la saison sèche. Il faudrait faire un curage normé, ce que les gens ne savent peut-être pas. Quand nous disons curage, c'est-à-dire que vous allez prendre ce qu'on appelle le surplus, ce que la rivière amène, et vous prenez ça. Maintenant, je suis un peu gêné pendant la saison sèche. La rivière n'apporte pas beaucoup de choses, mais les gens continuent à creuser. Quand vous creusez, il y a une confusion entre curage et exploitation. C'est comme si c'était une carrière de mine où on est en train de creuser. Alors, quand vous creusez, vous pouvez aller sur la rivière qu'on appelle Mugere. Vous pouvez venir monter avec la rivière Kanyosha et puis la rivière Muha. Mais si je prends à titre d'exemple la rivière Mugere, la rivière Kanyosha, la rivière Ntahangwa, et vous allez voir comment on a élargi le lit. C'est comme un terrain vaste. C'est lié à quoi? C'est lié justement à cette exploitation qu'on appelle curage, mais qui n'est pas du tout normée. Les gens qui font l'exploitation et pas le curage, faut-il le souligner, selon l'expert, devrait en principe avoir une autorisation de la part du ministère de l'Environnement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ils ont tenté de le faire, des coopératives, etc., des autorisations. Mais le constat, c'est qu'il n'y a pas de suivi pour voir si réellement ces exploitants sont en train de faire le curage ou l'exploitation. Et ce que ça fait, c'est que quand on élargit le lit de la rivière, et puis quand on commence à creuser, on affaiblit les berges des rivières. Parce que ces gens-là, quand ils voient une pierre dans une berge, au bord de la rivière, il a besoin de cette pierre, il doit prendre la pierre. C'est une blessure et demain, quand il va pleuvoir, la berge est devenue, disons, très fragile, ça s'écroule et puis nous allons dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui est mauvais, à en croire toujours M. Mbonelane, c'est que les normes semblent ne pas être l'affaire de ces exploitants. Ceux-ci ont besoin d'un intérêt présent, dit-il. Lui, ce qu'il a besoin, il a besoin du moellon, du gravier, du sable, tout ça. Le reste, ce n'est pas son affaire. Que demain, les berges de la rivière tombent, s'écroulent, on dirait que ce n'est pas son affaire. Parce que lui, c'est ce qu'on appelle en matière de gestion de l'environnement. Nous sommes intéressés par ce que nous appelons des intérêts, des bénéfices immédiats. Combien de camions j'ai chargé, combien de, etc. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Alors, qui devrait faire ça? La protection de l'environnement devrait être une affaire de tout un chacun. Et si aujourd'hui, des communes urbaines portent des noms de rivières, ça devrait interpeller plus d'un et leur donner une idée, dira Albert Monnerané, qui pense au respect du code de l'eau du 26 mars 2012. Quand il y a un curage qui n'est pas normé, qui se fait du côté de Mutanga Nord, le chef de quartier Mutanga Sud et le chef de quartier Mutanga Nord, ils devraient s'asseoir ensemble un jour pour dire finalement que devons-nous faire en tant qu'ils sont de Mukaza et de Ntahangwa, parce qu'ils partagent la rivière Ntahangwa. Mais aujourd'hui, je crois que ça ne se fait pas. Demain, on va se plaindre que la rivière est en train de détruire tout, sans penser qu'il y a l'action de l'homme qui est là-dedans, qui a fait que cette rivière soit traitée n'importe comment, avec des blessures. Pour l'expert encore, l'extraction de ces matériaux de construction n'est pas mauvaise en soi. Tout ce qui est mauvais, c'est que les gens le font n'importe comment et n'importe quand, ignorant que ce sont eux qui en subissent les conséquences. Merci Léonce, c'est par ta chronique que nous terminons son journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Jean de Dieu Ndaï Senga pour la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Ali Dandaï Kedza. Excellent après-midi à tous.